Micro ouvert. Rendez-vous dans ce micro ouvert avec Idriss Dauphin. Voilà, c'est son vrai nom. Je ne le dis pas dans le micro, mais c'est son vrai nom. Idriss Dauphin, c'est rigolo comme nom. Et voilà, on se retrouve à la gare du Nord. Et lui raconte son parcours parce qu'il a des ennuis. Je vais proposer de passer dans ce micro ouvert pour faire parler un peu de sa situation, puisqu'il va peut-être faire 2 ans de prison pour avoir manifesté. Voilà, je ne raconte pas plus. Il y a tout un micro ouvert là qui va suivre avec lui. Mais avant, on écoute Antoine Fourtou. C'est la métrique de la matraque, c'est la détraque à coup de trick. C'est la métrique de la matraque, c'est la détraque à coup de trick. Donc, de la trique pour les patraques et les tricards, mater, faire raquer, marquer les ratés, traquer les détraqués et tronquer les moutards. Encore la vieille arnaque comme nouvelle vérité. Toujours avancer masqué, attendant qu'il soit trop tard. Il est déjà trop tard. En attendant, se montent des murs de briques, des débris de brutes, et les mômes se braquent, craquent, c'est l'époque, la saison du flic, du fascisme électronique, le retour déclaré de la traque méthodique, du malik, de la loque, la racaille au karcher, des charters au Maroc, j'ai d'ammoniaque sur les peurs paniques, tête de turc sous starnac, et bolka démoniaque, éclat de breloque, épipolitique, c'est sécu, c'est sécurisant. Hey, oh! C'est la métrique de la matraque, c'est la détraque. À coup de trick, c'est la métrique de la matraque, c'est la détraque à coup de trick. Donc, les banksters nous sucent comme une gigantesque tique et le service public est mis à la brocante. La bouffe chimique nique la nappe phréatique, il y a urgence climatique, le tic-tac de la toquante. Les politiques s'en font des coliques de colloques, des G20. Mais fuck les phoques, tout sera mis à sac, ça rend le peuple apathique, accro au Prozac cathodique, bon chien pavlovien qui remue la queue au débat public, bien dressé, veut encore plus de trucs coca, vodka, cookie. Mais dans les statistiques, encore plus de tics, encore plus de tocs, d'insomniaques, d'alcooliques, mais même la mec s'en moque, puisqu'il n'y a plus qu'un dieu pratique, l'addiction au profit qu'à 40 jours du fric, craque en toc, crise systémique, OPA sur les stocks, couplé à la stratégie du choc, au cri rauque en Irak, aux techniques du fric frac, hack les blocs et baise le socle des cercles d'élite pour la fornique orgiaque, la mimique de macaque, pour qui se marque le mac, le mal dominant, ce sera la jouissance épileptique du cucux clan. Hey, oh! C'est la métrique de la matraque, c'est la détraque à coup de trick. C'est la métrique de la matraque, c'est la détraque à coup de trick. Oh, j'en appelle à la claque, à la nique, à la niaque, au déclic, au black bloc, au technopunk, au gothique, à l'attaque, à l'éthique, à l'estoc, au moukaque, au guerrier de la moque, au cosaque, au lascar, aux faces de bouc, au nikoumouk, au loufoque, au plouc, aux puissances anarchiques. J'en appelle à boucler ce cycle, j'en appelle au souffle épique, au baroque, au colchique dans les prés, aux forces telluriques, à la conque magique, au quartz, au quark, au cristal, à la physique quantique, au rayon cosmique, au dragon galactique. Pour faire la nique à la métrique de la matraque, pour mettre des claques à la détraque à coup de trick. Pour faire la nique à la métrique de la matraque, pour mettre des claques à la détraque à coup de trick. Pour faire la nique à la métrique de la matraque, pour mettre des claques à la détraque à coup de trick. Donc c'est un peu dingue, mais Non, je vais pas dire où on est parce que c'est un peu la honte, hein. Pas vrai, Idriss? Oui, effectivement, là où on se trouve est un peu la honte. Bon, c'est un peu la honte. Allez, on le dit ou quoi? Allez, ben nous sommes à la gare du Nord, au Starbucks, assis à une table. Un dimanche, parce que sinon on serait ailleurs, je pense. Oui, effectivement, s'il n'y avait pas manif, on serait ailleurs. Ouais, et on serait, s'il faisait meilleur, on serait dehors au soleil. Effectivement. On fait un peu caillasse dehors. Bon, on rencontre Idriss Dauphin, voilà, il est ici en face de moi. Alors, je ne connaissais pas, avant d'aller plusieurs fois dans ces manifs le dimanche... qui rassemble pas mal de gens sur le contre le pass sanitaire, tout. Je sais que ça réduit, mais il faut chaque fois redire, c'est contre le pass sanitaire. Les mesures, donc contre le pass sanitaire, contre les mesures actuelles, contre la hausse du carburant, contre tout qui augmente et des salaires qui n'augmentent pas, contre toute cette politique mise en place depuis 40 ans et qui commence à nous gonfler sérieusement. Voilà. Et toi, tu es là un peu à chaque fois ou quoi ? Tu es là depuis la première ? Alors oui, moi, ça... Première manifestation ? Oui, je suis là depuis la première manifestation contre le pass sanitaire ici à Bruxelles, mais je suis là aussi depuis 3 ans dans la lutte avec les Gilets jaunes. Donc, je suis sorti pour la première fois dans la rue un 24 novembre 2018 et j'ai participé à ma première grande manifestation ici à Bruxelles le 30 novembre 2018 lors de l'acte 1 des Gilets jaunes et depuis lors je n'ai plus jamais lâché. Et quoi, c'était vraiment la première fois que tu allais dans la rue manifester ? Ah oui, c'était vraiment la première fois et j'y suis allé seul parce que j'avais envie de vivre ça... seul par curiosité, me lancer dans la grande aventure et je peux vous dire que j'étais un inconscient parce que j'étais pas prêt à ce qui allait m'arriver mais content d'avoir vécu cette expérience seul. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on en arrive à un moment donné à aller dans la rue vraiment pour montrer son mécontentement ? T'es qui toi un peu Idriss ? Explique-nous, c'est quoi ton parcours avant d'en arriver dans la rue comme ça Moi, je suis un jeune qui a été placé en centre dû au fait que mes parents manquaient de moyens financiers et ne savaient pas s'occuper de moi. Et j'ai vécu énormément d'injustices dans ma vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me bats contre l'injustice. Au début, pour être honnête avec vous, je suis sorti dans la rue par curiosité. Parce qu'en fait, avant de commencer le mouvement des Gilets jaunes, j'étais en dépression depuis 2 ans. Et je foutais rien de mes journées, j'étais dans mon lit à déprimer. Et puis quand j'ai vu les Gilets jaunes apparaître à mon écran, j'y suis allé, leur donner à manger et à boire comme ils le demandaient, parce que j'avais envie de sortir de chez moi, de me changer les idées. Et quand je suis arrivé et que je leur ai donné à manger, j'étais en plâtre d'ailleurs ce jour-là. T'étais en quoi tu dis ? En plâtre. Où ça ? La main, le pied, la tête ? Le pied, j'étais en béquille. Et j'ai pris le bus et je suis allé à leur rencontre en bus. Où ça ? À Marchamps-Famenne. Et donc, j'ai été jusque leur rond-point. Et arrivé à leur rond-point, je leur donne à manger et à boire. Et puis moi, je suis sur le point de repartir, quoi. Juste, j'ai été voir ce qu'ils faisaient. Je m'attendais pas à rester. Et je m'attendais à repartir. Et finalement... Au moment où j'allais repartir, il y a un gilet jaune qui s'est retourné et qui m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais ? T'es le bienvenu avec nous. » Et je me sentais tellement seul et tellement mal à ce moment-là et ça m'a fait tellement chaud au cœur d'entendre ça que je suis resté. T'es resté quoi ? T'as dormi là ? T'es revenu le lendemain ? Comment ça s'est passé ? Eh bien, je suis resté toute la soirée alors que je n'avais pas prévu ça. Donc, je suis arrivé vers 16h et je suis resté... toute la soirée jusqu'à 21h, 22h. Ensuite, c'est un gilet jaune qui m'a ramené en voiture. Et puis, je suis revenu pendant une semaine, pendant encore 3-4 jours en plâtre. Et puis, le 30 novembre, je suis allé à ma première manifestation à Bruxelles. Voilà. Donc, tu as un parcours plutôt chaotique, un peu compliqué, avec des injustices si je comprends bien, et puis à un moment donné, t'es un peu en burn-out, comme ça, comme on dit, tu vois, genre, t'as plus envie de rien, t'es en phase dépression, et puis les gilets jaunes se présentent à toi, et tu te dis, allez, là, il y a quelque chose qui se passe, quoi, c'est ça ? Oui, effectivement, j'ai vécu énormément d'injustices dans ma vie. J'ai pas eu une vie facile, et j'en souffre encore énormément à l'heure actuelle. C'est très difficile pour moi, ma vie. Mais du coup, je vais beaucoup mieux depuis que j'ai commencé les Gilets jaunes. Et c'est ce qui m'a sauvé. J'ai l'impression, parce qu'ils m'ont sauvé, de devoir tout aux Gilets jaunes. C'est un mouvement que j'abandonnerai jamais, que je ne lâcherai jamais. Parce que c'est grâce à eux que je suis sorti de ma dépression. Bah, c'est peut-être, en gros... Moi, ça me raconte les Gilets jaunes, mais c'était aussi, je pense qu'il n'y a pas que toi qui vivais ça, c'est-à-dire que d'autres Gilets jaunes se sont rencontrés, ils se sont dit, bah, allez, on fait des feux, on bouffe ensemble, on recrée de l'énergie ensemble, quoi, parce qu'en fait, le système, il veut qu'on fonctionne tout seul, individuel, et du coup, on déprime. Effectivement, c'est tout à fait juste. D'ailleurs, comment dire, le mouvement des Gilets jaunes, ça a permis à beaucoup de gens de se rendre compte qu'ils n'étaient pas seuls. Et comme vous l'avez très bien dit... Comme tutoyeur, hein, parce que moi je te tutoie. Mais... comme tu l'as très bien dit, comment dire, ils veulent individualiser et ça a marché, ça a marché. Beaucoup de gens se sentent seuls à l'heure actuelle, ont l'impression d'être seuls dans leur combat, mais vous n'êtes pas seuls, vous n'êtes pas seuls, il y a des gens autour de vous. Regardez, moi par exemple, j'ai un jugement qui va arriver dans 25 jours. J'ai une solidarité énorme autour de moi. J'ai énormément de gens qui me soutiennent. Si j'étais seul, chez moi, j'aurais pas tout ça. Je me sentirais seul. Je me sentirais, isolé. Voilà. Alors que vous êtes pas seul. C'est ce que ça. En fait, ça c'est ce que le système veut arriver à vous faire croire. Et il veut vous individualiser afin de mieux vous contrôler. Et toi alors, Idriss, t'as quel âge? Tu peux le dire ou bien? Alors j'ai 22 ans, j'ai commencé la lutte... Oh mais tu sors de l'œuf. Oui, j'ai commencé la lutte à 19 ans et voilà, 22 ans maintenant. Mais quoi, t'avais déjà une conscience politique? Parce que oui, t'as expliqué que tu vivais plein d'injustices, mais est-ce que tu comprends, est-ce que tu comprends même aujourd'hui là, la mécanique de tout ça? Parce que là, on est un petit peu occupé à en parler, évidemment, de cette mécanique qui fait qu'on isole les gens, on les rend seuls, comme ça ils sont moins forts, ils peuvent pas faire un groupe, tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce que tu as déjà une conscience? Est-ce que tu avais déjà? Est-ce que tu as déjà ici au présent? Alors, quand j'ai commencé les Gilets jaunes, non, absolument pas. Pour être honnête avec vous, je suis vraiment sorti par curiosité. Et vraiment, c'est sur le tas, en allant en manifestation, en parlant avec les gens, en me renseignant, que je me suis ouvert une conscience politique et que j'ai développé des idées politiques. Donc, c'est vraiment sur le terrain, en parlant avec les gens. C'est très important de parler avec les gens et de pouvoir échanger de façon... respectueuse et dans l'écoute, grâce à ça et grâce à toutes ces belles rencontres que j'ai fait durant ce mouvement en 3 ans, je me suis ouvert une énorme conscience politique, vraiment. C'est excellent ça. Donc comme quoi, hein, les Gilets jaunes, c'est dans la rue et on refait société au fond, on discute, on a des plans, sur la société, comment on aimerait qu'elle soit, comment, hein, c'est vrai, non, on est vraiment, moi j'ai déjà eu l'occasion de tendre mon micro à des Gilets jaunes et c'est hallucinant comme ça discute, quoi, c'est passionnant. Et en même temps, toi, on se rencontre aussi précisément parce que tu brandissais une pancarte où il était noté. Je risque 2 ans de prison pour soupçon de 12 manifestations non déclarées. Soupçon, c'est un drôle de soupçon, ça veut dire quoi? Parce que c'est pas sûr que c'est toi. Oui, donc effectivement, en gros, pour vous expliquer, donc voilà, j'ai déjà fait plusieurs gardes à vue administratives, mais cette fois-ci, c'était une garde à vue administrative plus longue, parce qu'en gros, ils nous soupçonnent. Donc on est 3 à avoir été arrêtés le mercredi 18 août. Ici, là, de cette année? Oui, de cette année. Donc 2021? En 2021. En 2021. Oui. En 2022, là, ça va? Oui. C'est tout neuf aussi. En 2021, donc le mercredi 18 août. Je manifeste depuis 3 ans entre la France et la Belgique. Et cet été, j'ai été beaucoup manifester en France. Et avec les Gilets jaunes, du coup, alors? Ou rien à voir? Alors non, avec les antipasses sanitaires. Et, on est 3 à avoir été interpellés, dont un autre jeune et une mère de famille. Et en gros, ils sont venus nous donner une convocation chez nous. Donc c'est pas vraiment une interpellation, mais ils sont venus nous donner une convocation chez nous. Dans ta boîte aux lettres, quoi? Non, ils sont venus sonner, ils nous les ont donnés en main propre. Ils sont venus d'ailleurs en civil et armés. Comme si on était des dangereux criminels. Et donc on a reçu notre convocation, tous les 3 convoqués à la même heure, donc on a trouvé ça très étrange. Il n'était pas stipulé sur le papier qu'on risquait une garde à vue ou quelque chose du style. Et c'était juste que vous deviez vous présenter, quoi. Voilà. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est tous les 3 en même temps. Oui. Donc vous avez pris connaissance les uns des autres, quoi, du coup. C'est ça, oui, on était en contact. Donc oui. C'était vraiment étrange et on a trouvé ça tous les trois étrange. Mais vous connaissiez avant? Oui, on se connaît depuis longtemps, dû à la lutte et dû aux réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux ont un gros impact malgré ce qu'on peut penser. Alors oui, malheureusement, c'est tracé, oui, malheureusement, il faut se méfier des réseaux sociaux, mais ça a du positif pour la lutte. Voilà, moi je pense qu'il n'y a pas que du négatif. C'est ça qui est compliqué, c'est que c'est bien et en même temps c'est mauvais en fait le Facebook, tu vois, parce que les flics ils peuvent tout, tu vois, tes traces, tu vois, c'est pour ça que ça marche, c'est parce qu'il y a les deux. Oui, malheureusement, les milliardaires fonctionnent avec les politiques et comme Zuckerberg, qui est le directeur de Facebook, collabore avec les politiques, les policiers ont accès à tous nos Facebook, nos Messenger, quand ils veulent et s'ils veulent. Voilà, ça, il faut le savoir. Et nos données aussi, c'est ça, hein, nos données. Oui, hein. oui, nos données, mais oui, parce que vous soyez chez Orange, chez Proximus, c'est n'importe qui, ils ont accès et ils collaborent main dans la main, donc voilà. Et donc, du coup, je reprends mon machin. Excuse de t'avoir coupé, mais tu vois, comme ça, les choses sont claires. C'est vrai. Et donc, du coup, on s'est rendu à cette convocation bien entouré, avec beaucoup de personnes qui sont venues en soutien, au cas où on prenait une garde à vue. Et c'était où? Donc, c'était à Vichy. Mais pourquoi Vichy, en fait? Parce que, t'es pas français? Alors non, mais j'ai été passer mes vacances d'été en France et de nationalité je suis français, mais j'ai toujours vécu en Belgique et je vis encore à l'heure actuelle en Belgique. Mais j'ai été passer mes grandes vacances en France et c'est au moment où Macron a annoncé que le pass sanitaire allait devenir obligatoire. Et donc du coup... Donc pas le pass vaccinal, le pass sanitaire. Oui, hein, donc, oui, c'était à l'époque du pass sanitaire. Et donc du coup, donc début juillet. Et donc du coup, là, j'ai décidé de sortir dans la rue et de manifester contre le pass sanitaire avec les anti-pass sanitaires. En France? En France, voilà. Et donc ils t'arrêtent en France? Non, c'est pas... Ben, ils m'ont convoqué en France, oui. Donc voilà. Parce que, d'après eux, je faisais partie de l'organisation. Et donc, du coup, on s'est rendu à cette convocation, 10h du matin, le 19. On arrive là, le premier convoqué, il est pris à part, on ne le voit pas revenir. Et puis, ils appellent la mère de famille. Je ne la vois pas revenir. Je suis le dernier qui sont venus chercher. Ils viennent me chercher. À peine passé la porte, à peine rentré dans le commissariat, monsieur, vous êtes placé en garde à vue pour une durée de 30 heures. Et donc, du coup... non, pas pour une durée de 30 heures, pardon. J'ai fait 30 heures de garde à vue, mais ils ne m'ont pas stipulé pour combien de temps, mais au moins pour 24 heures. Parce que garde à vue administrative, c'est 24 heures. Donc, ok, d'accord, garde à vue. Je ne sais même pas pourquoi je suis là, je ne sais même pas... Quoi, tu ne demandes pas? Tu n'es pas énervé? Non, je suis surpris, je suis dans l'interrogation, je ne sais pas ce que je fais là. Et du coup, on est placé dans la cellule et tout, voilà. Les trois ensemble? Non. Alors, il y en avait, comme c'est un petit commissariat et qu'il y a très peu de cellules, il y en avait deux dans des cellules normales. Et moi, comme ils n'avaient plus de cellules pour moi, ils m'ont placé seul dans une partie seule. Dans une cellule de dégrisement où il n'y a pas de porte vitrée et on voit juste à travers un petit carré de 10 cm sur 10 cm. Il n'y a pas de fenêtre? Non. Dans un cabanon, quoi? Ah oui, entre quatre murs. Et ils sont venus nous chercher, un par un, pour nous auditionner. Et... ils nous ont annoncé qu'on était soupçonnés d'être organisateurs de 12 manifestations non déclarées. C'est 12, précisément 12. Oui, précisément 12. Alors que on n'est pas organisateur, qu'il n'y a pas d'organisateur, que c'était des appels nationaux et je pense que dans les droits de l'homme, il est autorisé de manifester quand on veut, où on veut et si on veut. Ça fait partie des droits de l'homme. On a le droit de s'exprimer, le droit de revendiquer des idées quand on n'est pas d'accord. Et je ne pense pas qu'on doit risquer 2 ans et 6 mois de prison pour ça. Alors, ils se sont avancés pour leurs soupçons, parce que ça reste des soupçons, ils n'ont aucune preuve contre nous, et malgré tout, on est sous contrôle judiciaire, etc. Mais, donc du coup, ils se sont avancés sur des soupçons. En gros, ils nous reprochent d'être organisateurs de 12 manifestations non déclarées. Les trois, là. Oui. Car, d'après eux, on est toujours à l'avant des manifs. Pour moi, c'est vrai, je suis toujours à l'avant des manifs. Et que ce soit n'importe où, je suis toujours à l'avant des manifestations. Ensuite, parce que, en tout cas, d'après eux, quand on va dans une direction, les gens nous suivent. J'ai dit aux policiers... Comment ils savent ça? Ils vous ont filmé? C'est quoi cet argument? Fais gaffe à ce que tu dis, toi aussi, hein, que ce soit pas repris, on sait jamais, tu vois, contre toi, mais... Mm-hmm. Je veux dire, premièrement... Parce que tu es devant en manif, moi aussi, des fois, je suis devant. Que je prenne une direction ou pas, si moi j'ai envie d'aller à gauche, à droite, je vais à gauche, à droite. Je n'ai pas besoin des gens pour me dire si je dois aller à gauche ou à droite. Ouais. Et donc, du coup, ça ne fait pas de moi un organisateur. Si les gens ont envie de me suivre, ça ne dépend pas de moi. Je veux dire, j'oblige pas les gens à me suivre, je leur mets pas un couteau sous la gorge et je leur dis pas « Mais non, vous avez pas le choix, vous me suivez ». Non. Les gens ont le choix et donc je trouve ça quand même fou que parce que les gens me suivent quand je vais dans une direction, ça fait moi un organisateur. Et puis quand bien même, encore une fois, dans les droits de l'homme, il est autorisé de manifester, ça fait partie des droits de l'homme. Mais encore une fois, en Europe, ils bafouent les droits de l'homme, mais ça, très peu de gens veulent voir la réalité. C'est une réalité. Les droits de l'homme sont bafoués en Europe parce que du coup, ils vont vous dire « Oui, ok, d'accord. Dans les droits de l'homme, vous êtes autorisé à manifester, mais dans la loi belge ou la loi française, vous n'êtes pas autorisé sans demande. » Mais qu'on soit réaliste, je ne vais pas aller demander à mon ennemi, parce que pour moi, l'État est mon ennemi. Je ne vais pas aller demander, en tout cas le gouvernement, les banques ceux qui dirigent l'État, quoi. Je ne vais pas aller leur demander à eux si je peux manifester contre eux. Je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter d'être con, quoi. Je ne vais pas aller demander à mon ennemi si je peux manifester contre lui. Mais ça, c'est une question, en tout cas, c'est une remarque intéressante parce que depuis plein d'années, les gens qui manifent, ils demandent la permission. Tu es au courant, ça. Et donc, ils vont de tel endroit, ça commence à une telle heure, ça finit à telle autre, et voilà, on n'en parle plus. Vous, toi, en tout cas, les manifs dont on te dit que ça ne va pas, c'est parce qu'elles ne sont pas déclarées. Ce n'est pas parce que simplement tu vas manifester, c'est parce qu'elles ne sont pas déclarées. Exactement. Donc c'est des manifestations illégales parce qu'elles ne sont pas déclarées, c'est ça? C'est ça. Alors, qu'il faut pointer. Oui, pour la France, je dis bien, c'est considéré comme illégal parce qu'ils ont leur loi. Mais dans les droits de l'homme, on a le droit de manifester. Et encore une fois, la France, la Belgique et tous les pays de l'Union européenne et ainsi que énormément d'autres continent bafoue les droits de l'homme. Oui, mais d'accord, c'est un droit de pouvoir manifester, ça c'est sûr. Il y a des gens qui se sont battus pour ça, mais on discute, et remets-moi si j'ai pas compris, mais ça c'est sûr, on a le droit de manifester, mais puisque l'État, le gouvernement, le politique qui est là occupé en ce moment, il est occupé à saper ce droit, et pas que ce droit-là, plein d'autres droits en ce moment. Simplement, toi, tu es arrêté avec tes 2 autres collègues parce que vous préparez des manifestations qui ne sont pas prévenues. Vous ne prévenez pas que vous faites des manifestations. Elles sont faites à la surprise, quoi. C'est ça? Alors, non. Nous, on ne prépare rien. C'est des manifestations qui sont... C'est des appels nationaux qui sont lancés sur les réseaux sociaux. Comme ici, là, maintenant, ce dimanche? Oui, comme ici, ce dimanche. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'organisateurs? Ou alors plein d'organisations? Si, ici à Bruxelles, il y a une organisation. Moi, je ne veux pas collaborer avec cette organisation. Ils veulent qu'on soit dans les rangs, qu'on soit derrière leur cordon de sécurité. Moi, je ne suis pas... Je ne veux pas être dans les rangs. Je suis un homme libre. Et non, je ne suis pas derrière leur cordon de sécurité. T'appelles quoi leur cordon de sécurité? Ça veut dire quoi ça? Mais c'est les hommes avec des gilets blancs qui demandent aux gens de rester derrière la ligne, etc. et d'avancer ensemble. Parce que c'est eux qui organisent? Parce que c'est eux qui organisent. Ici, ce dimanche, contre le pass et toutes les mesures. Il y a une organisation là. Mais par contre, en France, c'était des appels nationaux lancés sur les réseaux sociaux qu'on ne faisait que relayer. Et on a le droit, comme tout le monde, et je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir relayé ces appels nationaux. Et donc, du coup, comment dire... Ça fait pas de nous des organisateurs. Je sais pas quoi dire de plus. On a le droit de dire qu'il y a une manifestation à tel endroit, mais c'est pas pour autant qu'on a organisé, qu'on a juste informé les gens. On s'est juste dit à certains moments, qu'est-ce qu'on va faire à cette manifestation, qu'est-ce qui serait intéressant de faire, etc. Mais ça fait pas de nous des organisateurs. Oui, mais j'entends bien ça. Hein. Mais par exemple, ici, il y a une organisation, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui viennent. Il y a plein, quelque part, d'organisations, et aussi de monsieur et madame tout le monde, de famille. C'est pas simplement... J'ai l'impression que c'est aussi un appel national. Alors, il faut faire attention, et c'est là que beaucoup de gens se renseignent peu. Les manifestations, en tout cas, les 4 premiers actes contre le pass sanitaire en Belgique, sont clairement politisés par l'extrême droite flamande et donc du coup ils ont un gros impact. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont là et qui suivent, et c'est pour ça qu'il y a plus de flamands que d'Wallons dans les manifestations, parce qu'ils ont un gros impact. Mais il n'y a pas que. Il y a aussi. Parce que souvent, les médias mainstream, les médias dominants relayent l'information en disant que ce sont des manifestations d'extrême droite, tu vois. Mais moi, j'ai envie de dire, il y a aussi des enfants, des vieux, des vieilles. C'est pas que extrême droite, quoi. Il y a tout un pan aussi de la société qui a envie d'être là, et aussi beaucoup monsieur, madame, tout le monde, quoi. Oui, il y a de ça aussi, dont moi. Hein, moi, je suis clairement antifasciste et contre l'extrême droite. Mais là, je pense qu'on est arrivé à un moment crucial où on n'a plus le droit de se poser la question qui est à côté de moi, quelle idée il a. Non, là, on est en train de tomber dans un régime chinois, et il faut combattre ensemble contre ce régime chinois. Après, on se posera les bonnes questions, on pourra repenser à tous ces problèmes-là, mais là, il est temps de se serrer les coudes et de combattre le régime qu'ils sont en train de créer et qu'ils veulent créer. Oui, donc toi, parce que moi, j'ai déjà eu l'occasion de discuter, d'ailleurs, ça fait partie d'un micro ouvert, avec quelqu'un qui se dit radical de gauche et qui trouve ça inadmissible d'aller manifester ici pour le 4e acte ce dimanche, parce qu'il y a de l'extrême droite, parce qu'il y a des gens qui ne pensent pas extrême gauche, par exemple. T'en penses quoi, toi ? Moi, je trouve que chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis dans les manifestations là actuellement contre le pass sanitaire, pas pour l'extrême droite, mais pour moi et mes convictions. Et le fait que je marche avec des gens d'extrême droite ne fait pas moi une personne raciste, une personne homophobe, une personne malveillante, une personne d'extrême droite. Ça ne fait pas moi une personne d'extrême droite. Voilà, ça ne fait pas de vous. C'est pas parce que vous marchez dans une manif politisée que ça fait de vous une personne de ce parti politique. Voilà. Malheureusement, là, on n'a plus le choix. Je suis désolé, on n'a plus le choix de se serrer les coudes contre ce régime qu'ils veulent créer. Après, il sera encore temps de combattre ce fascisme, plus tard. Mais moi, je trouve que c'est cohérent, quoi. On est un peu tous paumés aussi face à cette grosse machine qui broie là, qui vous dit confinement, qui vous dit vaccin, qui vous dit... C'est énorme ce qui se passe en ce moment. Pour répondre aussi à la personne qui ne veut pas venir en manifestation parce que c'est d'extrême droite, j'ai envie de lui répondre que tous les partis politiques, que ce soit la gauche, la droite, le centre, tout ce qu'on veut, c'est tous des fachos. C'est tous des gens qui sont corrompus, qui manipulent, qui... il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Donc à un moment donné... Tous des fachos, je dirais pas, mais corrompus et que c'est compliqué, ça sûrement. Moi, j'assume entièrement mes propos. C'est tous des fachos. Et un facho, c'est comment dire, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui... Je te laisse réfléchir, hein. Qui impose aux gens une idée. Et qui ne leur laisse pas le choix. C'est un Hitler, quoi, qui ne laisse pas le choix aux gens, on doit penser comme eux, et si tu ne penses pas comme eux, ben, tu ramasses sur ta gueule. Ça, pour moi, c'est un facho. Ouais, ou un Staline. Tu connais peut-être moins ta culture politique. Non, j'en ai entendu parler plusieurs fois. Mais ou alors, comme maintenant, hein, il paraît, mais moi, je ne connais pas plus, mais en Hongrie, en Italie, les nouveaux... Les nouveaux, comment on dit, présidents là, ils sont fachos aussi, quoi, paraît-il. De quoi? Au Brésil, Bolsonaro, Orban en Hongrie. Je veux dire, dans tous les pays, tous les pouvoirs sont corrompus, tous les pouvoirs veulent imposer leurs idées, et dès que le peuple n'est pas d'accord, ils envoient les flics, et c'est ça un régime fasciste. C'est ça un régime fasciste, c'est comme ça que ça commence, c'est avec la police. Il y a des régimes dans l'histoire qui étaient plus comment dire, plus égalitaires, qui faisaient plus du commun. Enfin, tu vois, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais... Non, pour moi, le seul... Non, il n'y a aucun régime. Ils sont tous corrompus à un moment ou à un autre. Ils font tous, ils font tous partie du même machin, du même schmilblick, mais... Et la Catalogne en 1936, t'as jamais entendu parler ? Non, ça j'avoue que je ne sais pas. Mais par contre, je voulais dire, un qui, pour moi, aurait pu faire quelque chose pour l'humanité et pour l'humain, c'est Coluche. Mais malheureusement, cet homme, et je maintiens mes propos, cet homme a été tué. Et donc, toi ? Tu vas peut-être faire 2 ans de prison. Qu'est-ce que tu crois là? Où ça en est tout ça alors? Du coup, oui. Du coup, après, donc, on a été auditionné, etc. Pour ces 3 raisons-là, hein, qui nous reprochent d'être organisateurs. Ah non, la 3e raison, je ne vous l'ai pas dit. Donc, la 3e raison, c'est parce que les gens me sollicitent beaucoup dans les manifestations. Donc, reprends les 3 preuves. Oui. Un, parce que tu es soi-disant, hein. Manifestation. Comment t'as dit? Donc, un, parce que je suis toujours à l'avant des manifestations. 2, parce que quand je vais dans une direction, les gens me suivent. Et 3, parce que les gens me sollicitent beaucoup dans les manifestations. Mais il faut savoir que ça fait 3 ans que je manifeste. Ça fait 3 ans que je me monte sur les réseaux sociaux. Et je suis, je ne sais pas si je peux dire ça, mais indépendamment de ma volonté, parce que j'ai quand même un peu cherché ça, mais indépendamment de ma volonté, on va dire, je suis une personne connue en manifestation. J'ai beaucoup de gens qui viennent me dire bonjour, je ne sais pas qui c'est, et c'est triste à dire, hein, mais c'est une réalité. Malheureusement. Pourquoi tu trouves ça triste? C'est plutôt sympa, là. Oui, c'est sympa, mais arrête, pourquoi tu dis triste? Mais pour eux, c'est triste parce qu'ils viennent me dire bonjour, je ne sais pas qui c'est, et du coup, il y a un petit malaise, mais bon, voilà. Après, ça, c'est toujours chouette, oui, d'avoir des personnes qui te connaissent, qui savent qui tu es, et voilà. Qui apprécie tes valeurs. Donc, en gros, tu es soupçonné d'être un organisateur, en fait, voilà. Ouais. C'est ça, hein, c'est les 3 raisons soulignées qui sont un petit peu bateaux. Oui. Parce que c'est un peu bizarre. Ils s'avancent que sur des propres hypothèses que eux se font, mais ils connaissent rien des manifestants. Faut déjà prouver ça, je sais pas, comment t'as une influence pour que les gens te suivent d'une direction à l'autre. C'est bizarre comme argument. Oui, mais ils peuvent, donc ils ont saisi mon téléphone, ça il faut le savoir, ils l'ont gardé jusqu'à ma date de jugement. Donc, c'est quand la date de jugement? Le 3 février 2022, à 13h45. À Vichy? Juste à côté, un village à côté, au tribunal de grande instance de QC. Ok. Et donc du coup, après c'est toutes ces auditions, etc., parce qu'on a été auditionnés 2 fois chacun, après toutes ces auditions... On a été déféré devant le tribunal. Là, on a vu un procureur de la République qui nous a dit mot pour mot à chacun d'entre nous. Il nous a dit la même phrase à chacun d'entre nous. On a besoin d'exemples pour stopper cette mascarade. Et s'il faut que vous serviez d'exemple, vous servirez d'exemple. Donc, des paroles assez fortes et des... Ouais, assez forte, et un personnage vraiment odieux, méchant, et aucune compassion. Aucune compassion. Un vieux type ? Oui, oui. J'adore qu'on avec, est... ouais. Avec chemise blanche, costard, petit bourgeois, quoi, de Vichy. Ouais, ouais, ouais. Et donc, du coup, après, on a été mis devant le juge de la détention et des libertés. Et détention et liberté, ça veut bien dire ce que ça veut dire, la liberté, liberté, quoi. Et non, malgré tout, on a été mis sous contrôle judiciaire pour soupçon. Et voilà. Mais les deux autres personnes sont soupçonnées exactement de la même chose, oui, que toi, exactement, d'être des organisateurs, oui, quoi. Vous vous connaissez tous les trois, vous êtes en lien vachement via Facebook ou pas plus que ça? Pourquoi vous trois, en fait? Pourquoi vous trois? Parce que tu viens de l'expliquer, ils veulent faire un exemple pour dissuader les autres de plus aller manifester, c'est ça? Alors, oui, donc ils veulent faire un exemple pour dissuader les gens, et ils nous ont mis en garde à vue, pas pour rien, pour casser le mouvement à Vichy, et ça a marché, hein, il n'y a plus de mouvement à Vichy contre le pass sanitaire. C'est vrai? Oui, oui, oui, ça a marché, ils ont réussi leur coup, mais comment dire... oui, donc du coup, pourquoi nous? Pourquoi toi et les deux autres personnes? Pourquoi nous? Eh bien, je ne sais pas, et je ne le sais toujours pas, mais moi, j'ai plusieurs hypothèses à amener. Déjà, on est tous les trois gilets jaunes, donc peut-être que ça dérangeait. Donc ça veut dire gilets jaunes avant d'être le pass sanitaire? Gilets jaunes avant d'être le pass sanitaire, et on était assez connus des services de police, tous les trois. Donc du coup... Ah ouais? Dans quel sens? Ben, on a fait plusieurs gardes à vue administratives. Ah, trois. Pour les gilets jaunes? Oui, pour les gilets jaunes, donc on était connus. Et donc du coup, je pense que déjà qu'on soit gilet jaune et déterminé, ça a dérangé. Donc ça, c'est une hypothèse que moi je me fais. Et deuxième hypothèse que je me fais, c'est parce qu'on est tous les trois d'origine étrangère. Et que Vichy a son passé. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, voilà. On est tous les trois d'origine étrangère. Donc, moi, je pense qu'il y a possibilité qu'il y ait ça un peu aussi. Et c'est quoi les origines des autres? Alors, si je ne dis pas de conneries, parce que je ne sais plus trop, mais je pense que c'est Algérie et Maroc, si je ne dis pas de conneries. Et où sont les deux autres personnes, là, en ce moment? Eh bien, ils sont chez eux, sous contrôle judiciaire. Ils doivent pointer au commissariat. Et voilà. Toi aussi? Alors, moi, c'est un peu différent. Mon contrôle judiciaire, c'est que j'ai dû quitter l'Allier, donc le département de l'Allier, dans les... Où tu habitais? Où j'étais, ouais. Pour le lendemain 10h. Donc, je suis sorti au soir de ma garde à vue, le vendredi 20 août. Je suis sorti de ma garde à vue. Pour le lendemain 10h, je vais avoir quitté... Quitté le territoire. Le département de l'Allier. Et deuxième point, c'est que je ne peux plus leur adresser un mot jusqu'à la date de jugement. Donc à mes deux autres camarades. Et eux non plus. Inversement, entre nous, on ne peut plus s'échanger de mots, quoi. Ah oui, parce que vous étiez sur le même territoire, évidemment. Vous viviez dans le même espace, voilà. Donc, du coup, on était en contact sur les réseaux sociaux, etc. Et ils nous ont, dans notre contrôle judiciaire, interdit de pouvoir communiquer ensemble. Ils peuvent faire ça? C'est légal? Non, normalement c'est pas légal. On va te défendre, et c'est de ça aussi pourquoi on se voit, c'est qu'il y a une cagnotte là. Donc effectivement, je vais me faire défendre par un avocat très réputé, très connu, qui, et il faut que je le souligne ça, il est exceptionnel. Parce que je suis gilet jaune, il m'a fait un prix. Et parce que je suis gilet jaune, et pourtant c'est un gros barreau, et il a beaucoup d'affaires à régler, mais malgré tout, parce que je suis gilet jaune, il a décidé de prendre mon dossier à cœur, parce qu'il a défendu beaucoup de gilets jaunes gratuitement, ou alors à des prix réduits. Et du coup, c'est Yann Branco. Voilà. Sérieux? Oui, oui, c'est Yann Branco qui va me défendre. Et donc du coup, par rapport à ma cagnotte, pour pouvoir payer les frais d'avocat, donc il m'a demandé 1 000 euros pour tout le dossier, pour faire tout le dossier. Donc c'est exceptionnel quand même, hein. Donc mais quoi, avant qu'il ait la cagnotte, parce que là t'en es occupé, t'es occupé à ramasser les sous, il est déjà occupé à travailler sur le dossier? Ah, ou bien oui, parce que mois de février, c'est demain, quoi. Et c'est la date est déjà notée dans son calendrier. Je vais avoir un rendez-vous téléphonique avec lui cette semaine. Je ne sais pas encore quand. Ça, c'est son secrétaire qui doit m'informer. Mais je vais avoir un entretien téléphonique avec lui. Et donc voilà. Oui. Il est déjà informé de tout ce qui se passe. Et mais de ton dossier spécialement aussi, parce que comme on discute là, est-ce que tu as le droit de plus être en communication avec tes deux autres amis? Tu peux plus parler avec eux, mais pour quelle raison? Enfin, tu vois, on se demande si c'est légal de faire ça. Voilà. De mon point de vue, non, c'est pas légal. Après, comment dire, ça, seul l'avocat pourra le dire devant le juge. Donc du coup, par rapport à ma cagnotte, elle se trouve sur mon Facebook Idriss Dauphin, donc IDRI2S. On mettra le lien sur la page. Mais du coup, voilà, oui, ça se trouve sur mon mur Facebook. Et donc, oui, je sais plus quoi dire. Non, mais t'inquiète, ça, on mettra le lien partout, en tout cas sur Micro Ouvert, sur la page Facebook Radio Campus. Et de toute façon, Idriss Dauphin, on tape ça sur Facebook et tout de suite, on a accès à ta cagnotte, du coup. Mm-hmm. Il te manque encore quelques sous, quoi. Enfin, oui. Quelques sous, c'est quand même... Oui. C'est quand même... Enfin, pour quand on l'a pas, quoi. C'est pas rien, quand même. Je vais dire, chaque euro compte et chaque euro est énorme. Ne fût-ce que 1 euro, pour moi, c'est un geste énorme. Les gens ne se rendent pas compte qu'il s'agit de ma liberté, il s'agit de pouvoir... Parce que si je ne paye pas mon avocat avant la date de jugement, ben, il ne pourra pas me défendre. Voilà, donc du coup, il faut vraiment que je paye mon avocat avant la date de jugement. Et vraiment, chaque euro contribue à ma liberté. Et c'est un geste énorme. Pour vous, ça paraît pas énorme, mais à l'heure actuelle, avec tout qui augmente, les prix qui augmentent, etc., pour moi, ça me paraît énorme de donner 1 euro parce que je sais comment la vie est compliquée financièrement. Et c'est pas pour rien que j'ai fait une cagnotte pour m'aider pour mes frais mes frais d'avocat. Mais en tout cas, tes deux collègues, pourquoi ces deux. Pas les mêmes mesures que toi, pourquoi eux doivent pointer, ils doivent aller au commissariat, pointer Oui, parce qu'ils habitent là, moi j'habitais pas là. T'étais pas domicilié là, toi. Non, j'étais pas domicilié là, donc ils m'ont éjecté, et eux par contre, comme ils habitent là, ils doivent aller pointer, voilà, et leur haute mesure, c'est qu'en plus d'aller pointer, ils sont interdits d'aller sur certaines villes comme Vichy et les alentours de Vichy, et voilà. C'est dingue. Pour le motif qu'il serait soi-disant organisateur d'une manifestation, quoi. C'est dingue. Oui, c'est la répression. Et... C'est dingue, parce qu'une manifestation, enfin, je veux dire, on a le droit de manifester. Et puis même, pourquoi interdire de ville? Pourquoi interdire de se parler? Parce qu'on est soupçonné d'être organisateur. Et puis, quand bien même on serait organisateur, quand bien même je serais organisateur de 12 manifestations non déclarées, est-ce que ça fait de moi une personne dangereuse pour la société? Est-ce que ça fait moi une personne mauvaise? Je ne sais pas, je me pose la question. Avec cette répression qui augmente, il y a de quoi se poser la question. Ben, j'imagine qu'eux, ils pointent le fait que c'est pas déclaré, quoi. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Manifestation, ok, tu peux en faire une, mais si en plus tu la déclares pas, ça va pas. C'est ça. Ils appuient sur le fait que c'est pas déclaré. C'est ça. Et toi, tu as un avis là-dessus sur le fait de... Pourquoi j'ai envie de te poser la question? Parce qu'il y a des gens, tu vois, ils vont écouter... Oui. C'est pour faire un peu aussi l'avocat du diable, parce que sinon, on va dans ton sens, c'est bientôt fini. Hein. Il y a... Non, traquette. Dans 10 minutes, on arrête? Oui, pas de soucis. Ça va? C'est long, hein? Ah ouais, mais il faut. On a le temps de développer, oui. Du coup, tu vois, et oui. D'ailleurs, d'aborder des sujets comme maintenant. Donc... Déclarer, tu déclares pas la manifestation, mais donc tu fais chier d'autres gens, puisque tu fais une manifestation improvisée, donc. Mais c'est pas, encore une fois, je ne fais pas moi une manifestation improvisée, c'est des appels nationaux lancés sur les réseaux sociaux à se donner rendez-vous dans des villes, dans chaque ville de France, et nous on n'a fait que relayer le message. Après, on n'a obligé personne à venir, on n'a pas lancé d'événements, je veux dire, les gens étaient libres de venir ou pas et de répondre à l'appel ou pas. Et donc, du coup, on n'a fait que relayer des appels. Et je pense qu'on a le droit de relayer des choses sur Facebook. Alors, parce que sinon, si tous les gens qui partagent des choses sur Facebook se vont en garde à vue, eh ben dis donc, mon Dieu, quoi. Ouais, non, c'était pour discuter du fait de déclarer ou pas une manifestation. Mais moi, je suis contre le fait de déclarer des manifestations pour la simple bonne raison que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas aller demander à mon ennemi si j'ai le droit de manifester contre lui. Je veux dire, il faut être lucide et clair dans ses idées. on est contre un système, contre ce gouvernement, contre cette police qui sert ce gouvernement et qui sert en fait un pouvoir politique et économique. Et donc, on ne va pas aller leur demander à eux et à un politique qui est maire ou bourgmestre de la ville si on a le droit de manifester. Mais là, on sort un petit peu du sujet de ton, de ton procès, de tous les emmerdes que tu as. On discute vraiment intellectuellement, oui. D'idées, quoi. Oui. Est-ce que tu crois que la manifestation peut changer les choses, peut changer la donne? Est-ce que le fait que les gens, bah, comme ici, par exemple, c'est le quatrième acte des dimanches contre le pass, etc., est-ce que ça peut changer la donne? Comment tu vois les choses, toi, de ton petit 22 ans? Alors, au début... Manifestation déclarée ou pas déclarée, au fond, est-ce que c'est vraiment ça le problème? Au début, j'étais... Tu comprends? Oui. Est-ce que c'est vraiment... mais là, on sort de tes emmerdes, on discute vraiment intellectuellement. Tiens, ok, je vais manifester, j'ai envie de changer les choses. Est-ce que c'est vraiment un moyen de changer la donne? Alors, au début, je pensais que... manifester pacifiquement pouvait changer la donne avec le nombre. Ça, j'ai abandonné l'idée. Non, c'est pas possible. Par contre, manifester avec révolte et non pacifique, oui, je pense que ça peut changer. Après, les gens sont pas encore prêts à ça, sont pas encore prêts à la révolte et sont pas encore assez ouverts d'esprit, parce que quand on voit des gens qui cassent à la télé, oh, c'est des casseurs, non, c'est des gens éveillés qui ne cassent pas n'importe quoi, qui cassent des magasins capitalistes, qui cassent des banques, qui cassent des bâtiments européens, qui cassent des choses visées, c'est visé. Et quand en 68 les gens cassaient, ah là, alors à ce moment-là c'était des héros, parce que grâce à eux on a eu des libertés. Mais là, les gens sont en train de se battre pour votre liberté. Donc, c'est des héros aussi. C'est ceux qui sont à l'affront contre la police. Ils ont raison. Et je pèse mes mots. Ils ont raison parce que eux, ils sont pas là pour vous protéger. Ils sont là pour vous matraquer, vous gazer, vous enfermer. Ils sont là pour servir un pouvoir politique et économique. Ils sont pas là pour vous servir, vous. Et c'est ça qu'il faut éveiller. Qui vous protège de la police? Personne ne vous protège de la police. Et la police, elle sert qui? Elle sert un pouvoir économique et politique. Donc, moi, je pense que pacifiquement, non. Mais avec révolte et détermination, oui. Ouais, tu veux dire qu'en gros, si on casse tout, c'est gagné? Il faut se faire voir. Il faut faire du bruit, se montrer. Et oui, je pense qu'il va falloir arriver à des débordements. Et voilà, moi... C'est comme ça que tu vois les choses, et du coup, bah, il va y avoir une répression, et du coup, on va emmerder les gens, on va les enfermer, ils vont faire de la tôle et tout. C'est ce qu'on a vu pour les Gilets jaunes, hein, d'ailleurs, en France. Oui, mais comme dit Macron, ils nous emmerdent. Ils nous emmerdent. Donc, pourquoi nous, on ne pourrait pas les emmerder? Et il n'y a pas Macron. Hein, Macron, c'est parce que lui, il l'assume et il le dit publiquement, mais il nous emmerde tous, les politiques. Voilà, donc... Oui, nous aussi, on les emmerde. Il faut bien se faire entendre. Je veux dire, c'est pas en étant pacifique et en criant, en chantant tout le temps que les politiques, ils vont faire quelque chose. Et ça les fait plutôt rire qu'autre chose, quoi. Ils sont dans leur canapé, ils s'en foutent complètement de cette manifestation. Sauf si, oh, purée, il y a eu des blessés du côté de la police, il y a eu des blessés du côté des manifestants. Mince, qu'est-ce qui s'est passé? Là, alors, ça les fait réfléchir et... Il commence à avoir les pétoches. Oui, moi je suis d'accord avec toi, mais je suis pas certaine, entends-moi bien, hein, je suis pas certaine qu'avec la violence et en cassant les choses, c'est d'office gagné. Alors, c'est plus compliqué que ça, parce que... Pour moi, ça s'est prouvé durant chaque révolution. Chaque révolution n'a pas... J'adore Idriss. Combien d'années politiques? 3 ans? 3 ans d'année politique. T'as beaucoup lu, hein, t'as beaucoup parlé. T'as beaucoup renseigné. Et aucune révolution ne s'est aucun droit ne s'est gagné sans violence. Et je pense que vraiment, par rapport à ça, il faut ouvrir les yeux, il faut arrêter de se voiler la face. Vous êtes battu pour votre liberté en cassant. Eh ben, les jeunes, maintenant, font la même chose. Ils se battent pour leur liberté en cassant. Ouais, mais en cassant, mais il y avait des morts aussi. Il y a eu des morts, hein. que nous, on puisse vivre un peu mieux qu'avant. Oui, oui. C'est ça. Oui, je sais bien, en 68 et même avant 68. Même avant. Oui, oui, en 89, etc. Après la Seconde Guerre mondiale. Oui, effectivement. Et donc, du coup, je ne sais plus où j'en étais. Bah, on discute, en fait, ouais, de comment... Parce que là, tu vas, tu vas peut-être faire de la tôle parce que tu as manifesté. Voilà, parce que tu as un organisateur de manifestations, quoi. Plutôt pacifique, les manifestations. Simplement, t'as pas, vous n'avez pas prévenu. Moi, je suis... je vais être honnête avec vous, avec toi. J'ai jamais cassé, j'ai jamais, comment dire, lancé des projectiles à l'encontre de la police. Mais je ne suis pas contre. Je sais qu'aucune révolution ne s'est gagnée sans violence et il va falloir passer par là. C'est comme ça, c'est une réalité. C'est parce qu'on ne nous laisse pas le droit de s'exprimer, parce qu'on ne nous entend pas, on ne veut pas nous entendre et à un moment donné, il faut se faire entendre. Et je vais revenir sur un phénomène qui s'est passé en 2014. Alors, la lutte était belle, mais la cause, moi, je n'étais pas pour. Hein. Mais en 2014, en Ukraine, ils se sont battus pour intégrer l'Union européenne. Moi, je ne suis pas pour cette cause-là. Je suis pour sortir de l'Union européenne. Mais, eux se sont battus en 2014 pour sortir de, pour rentrer dans l'Union européenne. Et ils étaient soudés. Je vous invite vraiment à regarder le documentaire film Winter on Fire. C'est très instructif et constructif pour la lutte. Ils ont vraiment fait des choses... hors normes. Mais quand tu parles de « il », c'est qui ? Ben, le peuple, c'était un peuple uni, que ce soit d'extrême droite, d'extrême gauche, que ce soit des musulmans, des chrétiens, des juifs, des catholiques. Ouais, des gens, quoi, au fond. C'était des citoyens, ensemble, main dans la main, contre ce pouvoir. Et, il y a eu des morts, c'est parti en guerre civile. Mais je pense que, malheureusement, si on veut retrouver nos libertés, il va falloir passer par là. Et encore une fois, tout est dans le mental. Tout est dans le mental. Ils vont vous mettre la pression jusqu'au bout pour que vous fassiez vacciner ou pour que vous ayez ce passe sanitaire. Mais tout est dans le mental. Tout est dans le mental. C'est soit on a des réelles convictions, soit on craque. Mais juste pour qu'on comprenne, parce que tu parles d'Ukraine, du peuple, et quoi ? Parce qu'on n'a pas compris là. C'est le peuple qui réussit à faire craquer le pouvoir. Ils ont réussi à faire partir leur président qui a fui en hélicoptère et qui a eu le droit d'asile chez Poutine, évidemment. Mais ils ont réussi à faire partir leur président. Et quoi, et pas d'Union européenne alors du coup, parce que tu parlais de ça au début, parce qu'ils disaient. Du coup, ils ont gagné leur combat, ils ont intégré l'Union européenne. Ah, c'est ce que voulait le peuple ? Oui, c'est ce que voulait le peuple. Ah bon ? Oui, oui, en 2014. C'est étonnant, ça. Après, je ne sais pas si c'est toujours ce qu'ils veulent, mais en tout cas, ils se sont battus pour ça. Ok, d'accord. Parce que sinon, ils étaient rattachés à la Russie. C'était soit ils allaient en Europe, soit ils allaient à la Russie en 2014. C'était en train de se jouer. Et ils ont décidé d'aller... le peuple a décidé d'aller en Europe. Ok, ben on arrive à la fin, Driss. Idriss. Moi, je te souhaite vraiment... Juan Branco qui va te défendre, quoi. C'est gagné, non, en fond ? Pas sûr ? Je préfère pas m'avancer là-dessus parce que dans le sens où on ne sait jamais à quoi s'attendre avec la justice, vu que la justice n'est pas juste et que la justice c'est pour les riches et l'injustice c'est pour les pauvres. Et avec les discours que tient Macron actuellement, j'ai très très peur. Je sais pas. Je sais pas de quoi demain est fait, mais en tout cas, je vis chaque instant de ma vie actuellement comme si c'était l'un des derniers moments. Voilà, parce que j'ai peur de la prison. Bah écoute, moi, je suivrai bien, je viendrai bien avec toi à Vichy faire. C'est pas vraiment Vichy, c'est le bled à côté. J'ai pas bien compris ça non plus. Une ville à côté, quoi, en gros. J'ai entendu, il y avait une vidéo qui présentait un peu tes problèmes, mais on parlait que le procès allait se faire à Vichy. Oui, non, mais ça, ils se sont trompés, mais c'est pas grave. Pour faire du buzz. Non, c'est accusé. C'est accusé. Pour voir la suite de tout ça, quoi. On n'a pas parlé aussi de qui était Juan Branco. Oui, c'est un avocat très connu et qui se bat contre ce gouvernement français. Oui, qui faisait partie de la machine du système français dans l'élite et puis qui a décidé de sortir de cette élite. En gros, il faisait partie de tous ces corrompus et de tous ces gens qui voulaient servir l'élite. Mais lui a décidé de servir la bonne cause. Et a décidé de se détacher de tout ça. Pourtant, il avait une belle carrière devant lui. Il allait à faire partie du gouvernement. Il avait un bel avenir devant lui de corrompu, mais il a décidé de servir la bonne cause. Et juste, j'avais encore un truc. Je ne sais plus avec ça. Il a été avocat de Julian Assange, hein, tu sais. Tu l'as déjà rencontré, toi? Alors, Julian Assange, je ne l'ai jamais... Non, Juan Branco, puisque c'est lui qui va te défendre. Yann Branco, non, je ne l'ai jamais rencontré. Je l'ai toujours vu à la télévision. Mais je ne l'ai pas choisi par hasard. Je l'ai choisi parce que... Ah, c'est toi qui l'as choisi? Ah oui, c'est moi qui l'ai choisi. Et je me suis renseigné sur lui avant de le choisir. Et en fait, je lui ai envoyé un message un jour sur Messenger, désespéré de ne pas avoir d'avocat. Et en fait, c'est son secrétaire qui m'a contacté en disant « Yann Branco a bien vu votre message. Il a accepté pour la somme de 1000 euros. » Classe, vieux. Allez, un dernier mot. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur toute notre discussion, sur ce procès qui va avoir lieu? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Je te laisse un peu réfléchir. Tu sais déjà? Déjà, je voulais remercier Micro Ouvert pour m'avoir invité à faire ce témoignage. Ensuite, je voulais remercier énormément toutes les personnes qui me soutiennent, toutes les personnes qui sont derrière moi par rapport à mon jugement. Et puis, je voulais encourager aussi toutes les personnes à bien s'entourer, à ne pas rester seules dans ces temps difficiles et de ne pas lâcher. Ne lâchez rien, ne lâchez rien. Regardez, je risque 2 ans et 6 mois de prison, je ne lâche rien. La liberté est en danger, vos vies sont en danger, ne lâchez rien. Merci Idriss.